Eh bien bonjour tout le monde, Serge en votre compagnie pour l'heure à venir sur Fadjet. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux de vous retrouver chaque semaine pour ce rendez-vous incontournable en ce qui me concerne. On va consacrer ce numéro 147 de l'émission à Christophe Willem. C'était prévu la semaine dernière, mais la triste actualité a fait que Linda de Souza nous a quittés fin décembre et on tenait absolument dans l'équipe à lui rendre hommage. Donc Christophe Willem, c'est pendant une heure leur avenir qui nous attend à présent. Mais je tiens à vous affirmer qu'on n'oubliera pas Linda de Souza de sitôt sur notre antenne. Et on va commencer cette émission avec une chanson d'elle que j'ai découverte en préparant l'émission de la semaine dernière. Je ne la connaissais pas, c'est une très jolie chanson populaire. Son titre, c'est « Jeannot ». Qu'il était beau, celui-là que j'aimais, celui-là qui m'aimait, qu'il était beau. Jeannot des romarins, petit Jean du matin, Jean que j'aimais. Il était poète, il avait 20 ans, avec les yeux doux d'un regard d'enfant. Il m'avait appris la jolie chanson des moissons et des floraisons. Là-bas du côté de Sainte-Marie, et le ciel d'été sur les Tamaris fut le témoin de ses amants. Je l'appelais Jeannot des Romarins, petit Jean du matin, Jean que j'aimais. Cet enfant, ce garçon, mon doux Jeannot. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire trop de bruit. Et c'est Prévert qui à mon temps l'a dit, hélas toujours le même thème. Sur un bateau blanc, blanc comme le mars de notre amour fou. Adieu ta Marie du mois d'août. Je l'appelais Jeannot des Romarins, petit Jean du matin, Jean que j'aimais. Qu'il était beau, mon Dieu, qu'il était beau. Cet enfant, ce garçon, mon doux Jeannot. Mais où est-il maintenant, maintenant, ce garçon, cet enfant, dans l'univers? Très jolie chanson populaire, comme on en fabrique plus beaucoup en 2023, et c'est bien dommage. À très bientôt, Linda. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Je suis plus moi-même pour... Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Émission numéro 147 consacrée à Christophe Willem, qui est né le 3 août 1983 à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Et il était révélé par la saison 4 de l'émission Nouvelle Star en 2006, dont il est sorti vainqueur. Il a depuis sorti 6 albums, dont les ventes cumulées dépassent le million d'exemplaires. Christophe Durier, c'est son vrai nom, a grandi à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise, où ses parents tenaient une auto-école. Il fait son cursus scolaire au collège, puis au lycée Notre-Dame de Bury de Margency. Et enfant, il suit des cours de piano de 7 à 14 ans, puis se consacre au chant jazz pendant 3 ans, et ensuite au gospel et au blues pendant 2 ans. D'abord décidé à suivre des études pour devenir professeur d'économie et de gestion, il s'engage dans une licence en communication tout en continuant à pratiquer le chant et la musique, notamment dans une chorale de gospel. Il y est remarqué, ce qui l'amène à participer au film Alive en 2004 aux côtés de Richard Anconina et Maxime Nucci où il joue le rôle d'Henri. Pour ce tournage, il prend le nom d'artiste de Christophe Willem en référence au prénom William que ses parents avaient failli lui donner. C'est à cette période notamment qu'il rencontre Jennifer, alors compagne de Maxime Nucci. Le film ne lui ouvrant pas vraiment une porte intéressante, il continue alors ses études en licence de communication à l'université Paris 8e et est en même temps surveillant au lycée de Montmorency où il donne des cours de chant le soir aux professeurs volontaires du lycée. On reparle bien sûr de Christophe Willem dans L'Heure à venir. On va l'écouter dans un extrait de son dernier album, ça s'appelle Fantôme. Et ensuite j'avais envie d'écouter Ameno, rappelez-vous le groupe ERA, donc ce sera le cas juste après. Caché derrière la porte, à l'affût de ma chambre, il suffit que j'en sorte, les fantômes m'attendent, ils me couvrent de draps, la démarche lascive ralentisse mes pas, les fantômes me suivent et ils serpentent les murs, jamais bien loin de moi, j'ai beau changer d'allure, les fantômes me voient, côtoyant mes amis, assis à la même table, j'écoute ce qu'on dit, les fantômes me parlent. C'est comme une armée, je n'en suis pas le chef. Ça fait des années que je vis avec. J'ai beau les chasser, ils reviennent à la charge. J'ai tout essayé. Mes fantômes ne sont pas sages. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. ameno, l'antiremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, dimere, matiro, matiremo, ameno. Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Alors je le reconnais, c'est un caprice de début d'année. J'avais vraiment envie de vous faire partager ce titre bien connu du groupe Hera Ameno, mais rien à voir avec Christophe Willem, notre coup de cœur. C'est en novembre 2005 que Christophe tente de participer à Nouvelle Star sur M6. Et il avait d'ailleurs été poussé par sa sœur Sandrine, qui l'avait inscrit au casting de Toulouse. Étiqueté du numéro 15 000, rendez-vous compte, il interprète alors Strong Enough et il gagne d'emblée le surnom de la Tortue, donné par Marianne James en référence à sa façon de se tenir et à son pull à rayures vertes. Alors, une petite précision. Il y a quelques semaines, en début de mois, j'ai qualifié Christophe Willem de grenouille. Je me suis trompé d'animal. Alors, toutes mes excuses. C'est en réécoutant l'émission qu'on se rend compte des bêtises que l'on peut raconter. Alors, après avoir passé les épreuves de sélection avec 25 000 candidats, il se retrouve au pavillon Baltard, aux côtés des 14 autres apprentis chanteurs. Lors de la première émission directe, il interprète Sunny et s'installe comme le clou de la soirée pendant les 9 directs suivant, où il est systématiquement le dernier candidat à passer. Lors des directs, il réalise l'exploit de n'obtenir que des votes bleus du jury, à l'exception d'un vote rouge ironique donné par Marianne James uniquement pour lui faire connaître la sensation d'un rouge. au bout des 10 semaines du jeu télévisé. Il est désigné Nouvelle Star 2006 face à l'autre finaliste, Miss Dominique, le 8 juin 2006 exactement. Christophe devient alors Christophe Willem, reprenant le nom d'artiste qu'il avait déjà utilisé dans le générique du film Alive, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. Un second extrait de son dernier album, j'ai favorisé volontairement ses chansons de son dernier opus. Écoutez bien les paroles, notamment celles qu'on a écoutées il y a quelques minutes, Fantôme, ça en dit long sur sa personnalité. Je tomberai pas, c'est très entraînant, c'est très dense, et c'est tout de suite sur Fadjet. Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau. Pour son premier album Inventaire sorti en 2007, notre Christophe Willem collabore avec Zazie, Philippe Catherine, Bertrand Burgala ou encore Valérie Lemercier et signe lui-même la musique de Chambre avec vue et également Des Nus, écrit en 2003. Après avoir envoyé en radio le titre élu produit de l'année, sort le single Double Jeu qui se hisse numéro 1 en France et en Belgique. Ce titre devient la meilleure vente de l'année 2007 et l'album reçoit un double disque de platine en France avec plus de 900 000 exemplaires vendus. Suivront deux autres extraits, Jacadie et Quelle Chance. Ce titre qui l'a propulsé en tête des hits, on va l'écouter tout de suite, Double Jeu, ainsi que celle qui a collaboré à ses débuts, qui a participé à ses débuts, c'est une nouveauté de Zazie, ça s'appelle Couleur. gêne rien, rien qui gêne. Je suis brune ou blonde, tout le monde m'aime. Dans la rue, dans la vie, je me promène en jouant au cow-boy, ou plutôt à l'indienne. Tant que t'es gêné, ben oui, c'est pareil. Si ta peau prend moins de coups de soleil, dans la rue, sous les coups, il s'avère que tu meurs, que le monde t'en fait voir de toutes les couleurs. Ce monde, je peux plus le voir en peinture. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je suis noire, blanche, je suis de la couleur de l'espoir, et blanche et noire est dans mon cœur. Je suis Floyd, Blake, flamme qui veille les morts, pour que toutes les couleurs brillent encore. Dans notre ADN, il a son gène, fout la guerre, une graine de violence qui m'a. Je t'envoie ces quelques notes du haut de mon cœur. Peu m'importe la couleur de ta peau, je porte toutes les couleurs à mon drapeau. Oui, je suis noire, blanche, je suis de la couleur de l'espoir, et blanche et noire est dans mon cœur. Je suis Floyd, Blake, flamme qui veille. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Le dernier titre de Zazie, Couleur. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on ne vous en veut pas du tout, mais l'émission commence à 17h, soit dit en passant. Et donc, c'est un coup de cœur, Christophe Willem. Alors, sa première tournée se déroule du 15 novembre 2007 au 20 juillet 2008 exactement, en France, notamment au Bataclan, à l'Olympia, au Zénith de Paris et à la Cigale, de prestigieuses adresses. Il est également passé par la Belgique, la Suisse, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. En 2008, il rejoint la troupe des Enfoirés afin d'aider les Restos du Cœur. Et il est l'un des nombreux artistes à rendre hommage au ténor Luciano Pavarotti le 13 septembre 2008 au Parc de Saint-Cloud, où il a interprété One de U2. Parlons de son second album maintenant. Il s'appelle toujours Caféine, et il est sorti en mai 2009. Classé numéro 1 en France, il recevra un disque de platine pour ses 300 000 ventes, porté notamment par les singles Berlin, que l'on va écouter dans quelques instants, Plus que tout, Earthbox et Entre nous et le sol. Après avoir remporté 2 Energy Music Awards, artiste et album de l'année pour Caféine, il commence en 2010 sa deuxième tournée, baptisé bien sûr le Coffee Tour. Au printemps 2011, il intègre le jury de la seconde saison de l'émission X Factor aux côtés de Henri Padovani, Véronique Dicker et Olivier Schultes. L'émission est diffusée sur M6 en France et sur RTL TVI en Belgique. Donc après Berlin de Christophe Willem, je vous proposerai de retrouver... C'est un joyeux drôle quand même. C'est Philippe Catherine qui fait partie de son entourage dès ses débuts. C'est bien sûr Louxor, j'adore. Berlin m'appelle. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Fadjet, le festival de toutes les musiques. Il est un petit peu déjanté, hein, c'est le compagnon de Julie Depardieu, c'était Philippe Catherine. Luxor, j'adore. On continue d'égrener la carrière de Christophe Willem. En septembre 2011, paraît Cool, premier extrait de son troisième album Prismophonique, qui lui sort en novembre de cette même année. Sur cet album, il collabore notamment avec Zao pour l'écriture et Steve Anderson, producteur de Kelly Minogue, s'il vous plaît, pour la musique. L'album est certifié disque de platine et le chanteur entame sa troisième tournée à l'Olympia. Ça s'appelle Willem Session et sort en édition limitée à 1000 exemplaires. Ce sont vraiment des pépites, des objets rares. Il sort en décembre 2012 l'album Love Shut Me Down, une version anglaise de Prismophonique. Le quatrième album de Christophe s'appelle Paraît-il. Et justement, ben il paraît en décembre 2014, sont extraits le single Le Chagrin. Et sur ce titre, Christophe Willem revient avec un son plus doux et plus élaboré au piano. L'album est certifié disque d'or en un mois. Carla Bruni, Zazie, la Suédoise Fredrika Stahl et Jean-Jacques Goldman ont mis leur talent d'écriture ou de composition au service de la voix incroyable de Christophe Willem. Au programme, l'amitié, la mélancolie collective ou encore la sexualité et la jeunesse. Un album plus mature qui invite parfois à l'écoute attentive, parfois à la danse. L'année 2015 est vouée à des concerts et à la promotion de l'album sur scène, bien sûr. Il commence à tourner les nuits, paraît-il, dans des lieux insolites. sites, notamment le Pic du Midi, le Mont Saint-Michel, l'Atomium également. Cette tournée est retransmise dans plusieurs cinémas de France, Belgique, également en Suisse. Alors plus près de nous cette fois-ci, en 2015, il a participé à la sauvegarde de l'église de Plombières-les-Bains dans les Vosges. Et oui, et il y a même fait un concert. Alors on va le retrouver avec son titre « Après toi ». Puis Valérie Lemercier, rappelez-vous, j'ai parlé d'elle puisqu'elle a participé à ses débuts. Elle était proche de Christophe Willem. Elle sera assistée de Marc Lavoine pour vous interpréter « La grande amour ». Les photos, les cadres sont pourtant bien là, vestiges de gloire, douloureuse joie, vidée de l'histoire. Il était une fois un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre, toutes mes pendules tournent à l'envers. J'amasse les heures entre toi et moi, gravat de rancœur et d'effroi. Il faudrait en rire, c'est tellement banal. Mais la tragédie a de balles. Je sais, y a bien pire. Je sais, l'hôpital. Mais puis-je au moins dire que ça fait mal? Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus que radio. c'est la grande amour. C'est ma vie de chaque jour. C'est la grande amour. Pas besoin de longs discours. C'est la grande amour. C'est la grande amour. Premier single du cinquième album de Christophe Willem, qui s'appelle Rio, est paru en septembre 2017 et le titre Marlon Brando a bénéficié d'un clip rappelant le film The Truman Show. Un album en adéquation totale avec ce qu'il est, ce qui lui tient à cœur et surtout ce qu'il pense. Dès l'écoute de son premier single, le fameux Marlon Brando, Christophe s'est donné le ton avec un titre fédérateur, solaire, dansant et foncièrement humain. Il a décidé de mettre en avant, avec cette humilité qui lui est propre, l'importance de se faire confiance et d'avancer ensemble en mettant de côté certains préjugés, voire en révisant quelques-unes de nos certitudes. Ça, c'était ce qui était prévu par l'artiste. Mais pour la première fois, Christophe Willem est confronté à l'échec avec cet album qui ne se vend pas. Et suite à ce désarroi, il s'est questionné notamment sur sa relation avec ses fans. Il a même craint de ne plus être soutenu par son public pour ses prochains projets. Pour Christophe, cet album n'a pas trouvé son public. On va faire une petite pause musicale qu'on a l'habitude de prendre depuis quelques semaines avec une version longue. Alors c'est Monsieur Philippe Christian qui réalise ses montages et cette semaine on va réécouter, revu par Philippe Christian, le titre de Sheila, soit dit en passant, qui a bénéficié d'une émission sur France 3, une émission exceptionnelle, Toutes ces villas, qui était diffusée un vendredi soir. J'espère que vous l'avez vu, c'est vraiment une pépite. Le titre que l'on écoute revisité, Tous yéyé. On était tous yéyé. On était tous yéyé. Sur les cordes des guitares, raisonnaient les mélodies. D'autres, méfiants du regard, répandaient des calomnies sur le vent qui soufflait. Comme l'air ou l'eau des vagues qui nous prennent par surprise, un sentiment immuable qui ne lâchera pas prise. Mais quel vent qui soufflait sur les podiums, les succès. Allez, la dernière partie de cette émission consacrée à Christophe Willem. Alors après l'électrochoc du cinquième album, hein, qui ne s'est pas très bien vendu, nouvelle maison pour nouvelle vie. Christophe réside toujours à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, près de chez ses parents, mais dans une nouvelle demeure, lumineuse et accueillante, entourée de verdure et riche d'un magnifique panorama. Panorama, comme le nom de son sixième album, qui marque un véritable tournant dans sa carrière. Le premier extrait, PS Je t'aime, que l'on a écouté en début d'émission, est un grand succès, un titre pop, dansant, écrit et composé par Slimane, vainqueur de la saison 5 de The Voice. Panorama, c'est mettre en lumière ce qui nous unit, tantôt lumineux, tantôt sombre, comme une route cabossée que l'on apprivoise, je le cite. Il fallait ce temps, ces rencontres pour me retrouver et mieux vous retrouver, pour vous délivrer ce que j'avais sur le cœur, pour reprendre la route ensemble, là où nous nous étions quittés, mais cette fois-ci avec un regard plus large et libéré, nous permettant de pouvoir contempler ensemble et sereinement ce vaste panorama. Je vous propose d'écouter « Moi j'avance », non « J'avance » tout court, il n'y a pas « Moi devant ». C'est, écoutez bien les paroles de ce titre, c'est vraiment le résumé de la vie privée de Christophe Willem. On m'a dit tu ressembles à quoi? On m'a dit c'est pas fait pour toi. T'as pas le temps, pas le choix. On m'a dit tu t'es pris pour qui? Tu crois qu'ici c'est le paradis? Qu'on rêve un peu et ça suffit. On m'a dit mais tu te crois où? Et si on n'est pas chez les fous? Qu'on dit un peu c'est pas tout. On m'a dit t'auras peur un jour. On m'a dit sors, on m'a dit cours. On m'a dit refais un tour. Ok c'est dit. Mais j'avance. Ok tant pis. Moi j'avance. Je ne reviendrai pas sur la vie privée de Christophe Willem, puisque cette chanson, ben, ma foi, elle a tout dit, je pense. Et si vous avez loupé quelques instants, quelques paroles... Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Ça veut dire que vous pouvez nous retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en podcast pour réécouter à volonté l'émission juste après sa diffusion sur l'antenne. On va se quitter avec un live, un titre que vous connaissez, j'en suis sûr, Jacques Addy. Je suis un oiseau qui est tombé de haut. Je traîne ma peine. Une larme qui court, j'ai dans la gorge une boule comme pierre. T'aimer, tu pars quand même. Chacun dit marche, chacun dit rêve. Me fait tant marcher que j'en crève. Chacun dit certes, je lui pardonne. Chaque est un rêve, pas un sachez que je suis très fier d'avoir présenté ce numéro dédié à Christophe Willem. Pour moi, c'est un immense artiste malgré sa jeunesse. C'est voir quelqu'un qui est âgé. Et c'était vraiment un plaisir immense. On se retrouve jeudi prochain, c'est ma proposition. Il ne tient qu'à vous à 17h sur l'antenne de Fadjet 94.2 pour un nouveau coup de cœur. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et j'ai hâte, bien sûr, de vous retrouver. Salut, salut !